Chapitre 7. Les contes. Le changement s'introduisit dans la vie d'Ophélie par la fente de la boîte aux lettres. Du jour au lendemain, des sabliers de toutes les couleurs furent adressés à Mademoiselle la Vicomteuse. Bal en costume d'illusion, thé au jardin suspendu, place au balcon de l'opéra, salon littéraire dans les bains thermaux, le couvercle de la boîte n'en finissait plus de claquer. Ophélie admirait profondément la mère Hildegarde, mais elle n'aimait pas ces sabliers invitations dont elle était l'inventrice. C'était un moyen de locomotion qui ne manquait pourtant pas d'ingéniosité. Il suffisait d'ôter la goupille pour déclencher le mécanisme de retournement, puis être aussitôt transporté à la destination prévue, et ce, jusqu'à l'écoulement complet du sable. La quantité de celui-ci et la taille du goulet étaient proportionnelles à l'importance du convive, l'invitation pouvant ainsi varier de quelques minutes à plusieurs jours. Ophélie aurait peut-être pu s'y habituer s'il n'y avait pas eu les sabliers bleus. À force de s'en voir proposer, elle avait souvent failli en dégoupiller par inadvertance. S'il y avait une catégorie de sabliers qu'elle s'était promis de ne jamais utiliser, c'était bien celle-là. On en trouvait absolument partout à la cour, sur les plateaux des domestiques, au milieu des flûtes de champagne, dans des distributeurs automatiques. Combien de nobles Ophélie n'avait-elle pas vu disparaître quelques minutes puis réapparaître à leur place, dans un état d'extrême euphorie? Lorsqu'elle demandait où menaient ces sabliers, on lui répondait « au paradis, voyons », ce qui ne la rassurait pas le moins du monde. « Je ne répondrai plus aux invitations », décida-t-elle un matin, alors qu'elle s'était installée dans son lit pour travailler. « Toutes ces fêtes m'épuisent, et je dois préparer mes comptes. » À peine eut-elle ouvert le livre de son grand-oncle que Bérénilde le referma sur ses doigts et l'obligea à se lever. « Je vous conseille au contraire de toutes les honorer. »« Pourquoi? Je ne me sens pas à ma place là-bas. Il me semble que je ne suis l'obligée que de M. Farouk. »« Je suis d'accord avec la gamine. » renchérit la tante Roseline. « Il ne peut y avoir qu'un passager par sablier, et elle est la seule ici à en recevoir. Comment nous faisons, nous, pour la chaperonner ?»« Je sais, » soupira Bérénilde. « Le fait est qu'Ophélie est venue au pôle dans le cadre d'une alliance diplomatique. En déclinant les invitations de ces dames et de ces messieurs, elle leur ferait un terrible affront, et chaque affront se paye tôt ou tard. Mais ne vous inquiétez pas. » assura-t-elle à Ophélie de sa plus belle voix de velours. « C'est un effet de mode. Ça ne durera pas. Et tant que notre Seigneur aimera vos histoires, personne n'osera s'en prendre à vous. » Ophélie devait reconnaître qu'elle avait trouvé en Farouk un public indulgent, au-delà de toutes ses espérances. Chaque soir, elle pensait que ce serait le dernier, qu'il s'apercevrait soudain qu'elle n'avait aucun talent, et chaque soir, contre toute attente, il lui réclamait de nouveaux comptes pour le lendemain. Son visage de marbre n'exprimait jamais la moindre émotion. Pas un sourire quand l'histoire était censée être drôle, pas un sourcillement quand elle était censée être triste. Et lorsqu'Ophélie refermait son livre pour marquer la fin de sa prestation, Farouk n'émettait aucun commentaire, ne posait aucune question. Il dénouait simplement les membres de son corps gigantesque et, avant de s'en aller, déclarait d'une voix lente « Vous me raconterez une autre histoire demain soir, Mademoiselle la Vicomteuse. » Alors seulement les applaudissements jaillissaient de la salle comme une mécanique bien huilée. « Je me demande si M. Farouk prend vraiment du plaisir à m'écouter. » confia Ophélie à la tante Roseline. « En fait, je me demande s'il m'écoute tout court. »« Je ne sais pas s'il t'écoute, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il te regarde. » C'était précisément ce qui embarrassait Ophélie. Elle sentait bien que Farouk la dévorait des yeux depuis le pied de la scène. Cela n'avait rien à voir avec le regard avide dont il enveloppait jalousement Bérénilde, ni avec le regard lourd d'ennui qu'il destinait au reste du monde. Non, le regard qu'il posait sur Ophélie était flou et perçant à la fois, comme s'il cherchait à la traverser de part en part, à découvrir quelqu'un d'autre à l'intérieur. Elle aurait tellement voulu lui faire prendre conscience de tout ce qui ne tournait pas rond dans sa famille. À quoi bon se donner cette peine s'il n'écoutait pas? Un soir, Ophélie avait raconté deux fois d'affilée la même histoire dans l'espoir de le faire réagir, mais il ne s'était rendu compte de rien. La seule histoire à lui avoir fait impression, c'était celle de la poupée, et il ne voulait plus en entendre parler. « Qu'est-ce que Farouk attend de moi exactement ?» se demandait Ophélie, nuit après nuit, tout en caressant l'écharpe roulée en boule près de son oreiller. Peut-être se faisait-elle des idées, mais il lui semblait qu'il cherchait maintenant, à travers elle, ce qu'il cherchait avant, à travers son livre. Le fait est qu'il n'y avait plus jamais fait allusion en sa présence, à croire qu'il lui était pour le moment complètement sorti de la tête. Ophélie ne pouvait pas en dire autant. Un mois après avoir reçu son étrange lettre de menace, elle continuait de se demander pourquoi certains redoutaient tant la lecture de ce livre par Thorne. Artémis aussi en possédait un, et à la connaissance d'Ophélie, personne sur Anima n'avait jamais été assassiné en essayant de le déchiffrer. Qu'est-ce qui rendait le livre de Farouk si singulier et si inquiétant? Contenait-il quelque part au milieu de son étrange alphabet un secret compromettant? Farouk le savait-il lui-même sans être capable de se le rappeler? Il suffirait que je lui propose mes services une fois, songea Ophélie en faisant pianoter ses doigts sur son lit. Juste une fois. En tant que liseuse, elle se consumait de curiosité professionnelle et en tant que fiancée, elle brûlait de prendre sa revanche sur Thorne. « Je suis vicomteuse, » déclara finalement Ophélie à son écharpe. « Je vais me concentrer sur mon travail et essayer de rester en vie. Ce sera déjà un bon début. » Malheureusement pour elle, M. Tchekhov ne laissait jamais passer une occasion de lui attribuer une place de choix dans les gros titres du Nibelungen. Ce matin de mai ne fit pas exception à la règle. Une vice-conteuse bien vicieuse. « Vous jouez à un jeu dangereux, ma fille, » commenta Bérénilde après avoir lu l'article en entier. « Votre petit numéro n'échappe à personne. Vous vous servez de vos comptes pour critiquer la cour, et les courtisans détestent ça. » « Ce n'est pas à la cour que je m'adresse, » dit Ophélie qui écrivait de nouvelles idées sur un calepin. « C'est à M. Farouk. » C'était son seul moyen d'expression, sa seule façon de donner du sens à ce qu'elle faisait. « Entendez-vous faire l'éducation de notre esprit de famille ?» Enveloppée dans un peignoir de soie rose, Bérénilde semblait plus amusée que fâchée. Comme chaque matin, elle s'était installée dans son fauteuil pour feuilleter la gazette, tandis que la tante Roselyne coiffait ses magnifiques cheveux blonds. À 6 mois de grossesse, le ventre de Bérénilde bombait tellement ses robes qu'elle ne pouvait plus le cacher aux yeux du monde, et la tante Roselyne s'était mise à la chaperonner presque autant que sa nièce. Elle jetait toutes ses cigarettes dans le vide ordure, lui confisquait ses verres de liqueur et lui interdisait de pratiquer les nouvelles danses à la mode, beaucoup trop turbulentes à son goût. Elle désapprouvait par-dessus tout la façon dont Farouk l'invitait à rejoindre sa chambre au dernier étage de la tour, nuit après nuit. « Si vous étiez réellement courageuse, » poursuivit Bérénilde, « ce serait à mon neveu que vous vous adresseriez. Vous trouvez toujours des excuses pour ne pas avoir à lui parler au téléphone. Hier, vous aviez mal à la gorge, avant-hier aux oreilles. Vous ne pensez pas que ce pauvre garçon a suffisamment de soucis pour devoir en plus vous courir après ?» Ophélie se contracta sur son calepin. Sa dernière conversation avec Thorne ne lui avait pas donné envie de renouveler l'expérience. « Justement, il a d'autres tapis à battre en ce moment, autant que je le laisse tranquille. » En cela, elle ne mentait pas. La citatielle traversait une véritable crise alimentaire depuis que les dragons avaient été massacrés. Sans ses chasseurs attitrés, la cour se retrouvait privée de gibier et les gardes-mangers se vidaient à une vitesse préoccupante. Les mirages s'étaient bien essayés à l'art de la chasse, mais l'expérience avait été catastrophique. Habitués à leurs petites illusions douillettes, loin des dures réalités extérieures, ils avaient tous failli finir égorgés. Ophélie n'avait jamais vu de bête sauvage autrement que sur des croquis. Cela lui avait suffi pour comprendre que le talent hypnotique des mirages n'était pas adapté à la faune monstrueuse du pôle. il n'était parvenu qu'à rendre les bêtes encore plus enragées. Moralité. En attendant de trouver une solution, l'intendance invitait tout le monde à se serrer la ceinture. « Je vous préviens, » dit Bérénil en la considérant posément par-dessus sa gazette. « Si vous brisez ce qui tient lieu de cœur à mon neveu, je vous découpe en lamelles. » Ophélie versa le café à côté de sa tasse. Elle était bien placée pour savoir que ce n'était pas là de la simple rhétorique. Bérénilde s'était déjà fait les griffes sur elle pour moins que ça. « Oh, ne prenez pas cette mine, » déclara Bérénilde. « Vivre avec des animistes n'est pas de tout repos non plus pour une femme enceinte. Les portes claquent pour un oui ou pour un non, les horloges indiquent des heures tout à fait fantaisistes, les robinets s'écoulent dès qu'on s'approche du lavabo, et ce manteau, mes aïeux, ce manteau !» soupira-t-elle avec un regard désapprobateur pour la silhouette qui s'agitait furieusement sur sa patère. « J'ai parfois l'impression de vivre dans une maison hantée !» Ophélie devait admettre que sa mère lui avait envoyé un manteau au caractère épouvantable. Dès qu'elle l'avait sorti de son paquet, il s'était débattu comme un forcené et la tante Roseline avait dû le saisir par derrière pour le suspendre à la patère. Toutes les occupantes de l'appartement, Valkyrie incluse, avaient depuis pris l'habitude de contourner prudemment ce coin de pièce pour éviter les lourdes manches à boutons qui se balançaient avec rage. Ophélie récupéra le Nibelungen et passa les innombrables caricatures qui les tournaient en ridicule, elle et Thorn. Il était difficile de trouver dans ce journal des informations dignes d'intérêt. Tchekhov se contentait de multiplier les articles haineux sur la noblesse déchue, les arrivistes étrangers et de façon générale tous ceux qui n'étaient pas des mirages. Sa cible privilégiée restait la mère Hildegarde. À chaque page, il invitait son lectorat à cesser de se procurer auprès d'elle des sabliers bleus, des agrumes, des épices et de nouvelles maisons. Ophélie finit par tomber sur un article qui n'était ni une caricature ni une anti-publicité. « Braconnage, encore et toujours les déchus. » Alors que la famine arrive aux portes de notre belle cité à ciel, les déchus s'adonnent allègrement au braconnage. Lut Ophélie à mi-voix. Ils volent la viande destinée à nos assiettes et la redistribuent au peuple des sans-pouvoirs. Cette grossière manipulation vise évidemment à redorer leur blason. Les déchus prétendent combler le vide laissé par nos anciens chasseurs, mais nous ne céderons pas. C'est vraiment de la mauvaise foi, s'agaça-t-elle en refermant le Nibelungen. Ils ont simplement réussi là où les chasseurs de la cour ont échoué. J'aimerais bien avoir un autre avis sur les déchus que ce qu'en dit ce journal. « En quoi ces pauvres gens vous concernent-ils ? » désapprouva Bérénilde. « Ils sont le passé, et nous sommes l'avenir. »« Ils sont un peu mon avenir, tout de même, » rétorqua Ophélie. « Certains d'entre eux seront bientôt des membres de ma famille. Vous m'avez dit une fois que la mère de Thorn était une chroniqueuse. Et j'ignore encore tout de ce clan. » Bérénilde eut un regard nerveux vers les Valkyries, assises sur une banquette du salon, toujours attentive et silencieuse, comme si elle trouvait très embarrassant d'avoir une telle conversation devant des témoins. Les déchus sont des nobles qui ont commis des fautes particulièrement graves, ma chère petite, si graves, qu'ils se sont condamnés, eux et tous leurs descendants, au bannissement définitif de la cour. Ils ont perdu leurs privilèges, leurs propriétés, et ils n'ont pas le droit de pénétrer à l'intérieur des villes. En d'autres termes, dit Ophélie avec un froncement de sourcils, ils doivent vivre à l'état sauvage parmi les bêtes, sans avoir le droit de chasser. C'est les condamner à mort. Ne vous tracassez pas pour eux, ironisa Bérénilde en portant une tasse de thé à ses lèvres. Ils se débrouillent parfaitement bien pour survivre. Ma future belle-mère également? Le sourire de Bérénilde se tordit, et elle reposa sa tasse sur sa soucoupe à croire que le thé était soudain devenu trop amer. « Votre future belle-mère est un sujet de conversation à proscrire. Le simple fait de l'évoquer en public pourrait gravement nuire à la réputation de Thorn. « Mais pourquoi ?» insista Ophélie. « Qu'a-t-elle donc fait de si terrible ?» « Thorn sera bientôt votre mari, » décréta Bérénilde d'un ton sans réplique. C'est à lui que vous devriez poser vos questions. Ophélie ne s'obstina pas. Elle s'était promis de ne plus avoir affaire à Thorn aussi longtemps que ce serait diplomatiquement possible. Sa maladresse en décida autrement. Le fait est qu'Ophélie avait fini par se passer des sabliers de la boîte aux lettres. Elle avait suffisamment fréquenté les lieux de sociabilité pour bien connaître leur miroir. Elle reprit vite l'habitude de se servir de son pouvoir comme moyen de locomotion, faisant sursauter les élégants et les coquettes qui la voyaient surgir du reflet qu'ils étaient en train d'admirer. D'avoir retrouvé sa liberté de mouvement procura une intense satisfaction à Ophélie, mais sans doute manqua-t-elle de prudence. Aller d'un miroir à un autre impliquait d'être à la fois bien concentré et en harmonie avec soi-même. Les privations de sommeil, les successions de fêtes, la peur de ne pas trouver sa place, tout cela aurait dû l'inciter à utiliser son pouvoir de passe-miroir avec parcimonie au lieu de bondir d'un endroit à un autre. Toujours est-il qu'un après-midi, au premier jour de juin, Ophélie se retrouva coincée. Sa tête s'était bloquée au niveau des épaules, au beau milieu de la glace d'un fumoir, mais le reste de son corps refusait de suivre. Elle essaya de faire demi-tour depuis sa glace de départ où son pied se tenait toujours sur la pointe des orteils, mais son autre jambe et ses deux bras semblaient se débattre dans le vide. Il fallut un moment à Ophélie pour comprendre qu'ils s'étaient chacun empêtrés dans un miroir différent. Elle eut beau jouer des épaules pour porter son poids vers l'avant, elle ne se dégagea pas d'un centimètre. Elle se trouvait dans trop d'endroits en même temps, elle ne parvenait pas à coordonner ses mouvements. « S'il vous plaît !» appela Ophélie depuis le miroir qui emprisonnait sa tête. Cette partie-là de son corps avait émergé dans l'un des nombreux fumoirs de la jetée promenade et, comme par un fait exprès, les lieux étaient déserts. En équilibre inconfortable sur chaque jambe, Ophélie appela à l'aide pendant ce qui lui parut une éternité quand enfin, quelqu'un quelque part se décida à tirer sur l'une de ses mains. Elle s'abandonna de tout son corps à cette impulsion brutale, avec l'impression douloureuse d'être arrachée d'une pluralité de mondes, puis elle tomba à la renverse sur du parquet. Sonnée, Ophélie ne vit autour d'elle que des silhouettes floues qui poussaient des exclamations affolées et des aboiements furieux. Elle chercha ses lunettes à tâtons sur le parquet, mais une bonne âme les lui tendit et l'aida à se remettre debout. Les « Je vous désole » et « Je suis remercié » qu'Ophélie bredouillait confusément moururent sur ses lèvres dès qu'elle reconnut Thorn en la personne de son bienfaiteur. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» C'était la première question qui était venue à l'esprit d'Ophélie. Deux têtes au-dessus d'elle, Thorn fronça ses interminables sourcils, ce qui n'arrangea rien à la contraction naturelle de ses traits. Il portait sous le bras un ensemble de formulaires qui indiquait assez clairement qu'il était en plein exercice de ses fonctions. « Ce serait plutôt à moi de vous demander ce que votre main faisait dans ce miroir. » maugréa-t-il. « Ces dames ont beau être habituées aux extravagances. Elles ont frôlé l'apoplexie. » Ophélie s'aperçut qu'elle venait de débouler au beau milieu d'une exposition canine. Une foule de vieilles aristocrates, tout en lorgnettes et de grosses chiennes tout en rubans, la considérait d'un air indigné. Quand elle haussa les yeux, elle comprit qu'elle se trouvait dans les jardins suspendus, ou plutôt sous les jardins suspendus. Le deuxième étage de la tour n'aurait été qu'une salle d'exposition classique, avec ses beaux parquets cirés et ses grandes glaces murales, si le plafond n'avait été entièrement recouvert de jungle tropicale. Il suffisait de lever le nez pour plonger dans un monde végétal tout de cèdres, d'acajou, de fleurs carnivores et de perroquets multicolores. Une fois, Ophélie avait même cru apercevoir le pelage tigré d'un fauve dans le remous des fougères. « Pardonnez-moi, mesdames, j'étais complètement coincée, » dit-elle en repoussant les flots de cheveux qui s'étaient déversés de son chignon. « Ça m'était pas arrivé depuis longtemps. » À l'âge de 12 ans, alors qu'elle tentait son premier passage de miroir, elle s'était coincée dans deux endroits à la fois. Elle en était ressortie complètement inversée, incapable de coordonner sa droite et sa gauche. Elle ne se rappelait pas ce qui lui avait pris de se lancer dans une expérience aussi saugrenue au milieu de la nuit. En revanche, elle se souvenait parfaitement des longues séances de rééducation qui avaient suivi. Elle devait déjà son incurable maladresse à un accident de miroir. Elle espérait que ce raté ne la rendrait pas encore plus gauche. Thorn se tourna vers les vieilles aristocrates avec une raideur d'automate. « Si vous voulez bien m'excuser, » dit-il d'un ton qui ne s'excusait de rien du tout, « Veuillez remplir vos formulaires, je viendrai les récupérer dans 5 minutes. » Sans demander son avis à Ophélie, Thorne lui empoigna l'épaule et l'entraîna dans une antichambre vide où de faux oiseaux exotiques voletaient entre le beau sol lambrissé et les lianes du plafond. « Bien, » dit Thorne avec son timbre neutre de comptable. « Quand mademoiselle la vice-conteuse aura honoré ses rendez-vous avec tous les habitants du pôle, acceptera-t-elle de me consacrer enfin un peu de son temps ?» Il semblait à Ophélie que ses cheveux, toujours scrupuleusement peignés vers l'arrière, prenaient de plus en plus la couleur de l'argent. Même l'acier de ses yeux avait perdu de son tranchant. Était-ce la crise alimentaire qui le mettait dans un état pareil ? « Vous m'avez aidé à me décoincer. Je suppose que je peux vous accorder un instant. » « Pas ici, et pas maintenant, » dit Thorne avec un coup d'œil méfiant vers la porte de l'antichambre. « Venez demain, à l'intendance. Peu importe l'heure, j'annulerai tous mes rendez-vous. »« J'en parlerai à Bérénilde, » soupira Ophélie. « Nous essaierons. » »« Je ne veux ni de ma tante, ni de la vôtre. » abrégea-t-il d'un geste catégorique. « Vous viendrez seul. Cette situation ne peut plus durer. J'exige que vous vous réconciliez avec moi. » Ophélie n'apprécia pas du tout ce ton autoritaire. Si Thorne n'avait pas porté sur les épaules une tête aussi épouvantable, elle aurait refusé net. « Qu'est-ce que vous étiez en train de faire exactement ? » demanda-t-elle en lui prenant les formulaires des mains. « Je procède au recensement de toutes les bêtes domestiques. » Ophélie faillit éclater de rire en imaginant Thorne en train de compter des caniches, mais quand elle devina pourquoi il le faisait, elle écarquilla des yeux horrifiés. « Vous ne songez quand même pas à... »« J'envisage toutes les possibilités pour nous épargner la famine, » répondit-il en consultant sa montre à gousset. « Si cela ne tenait qu'à moi, je choisirais prioritairement les ministres les plus gras. » Mais l'anthropophagie est une pratique illégale, même au pôle. Ophélie jeta un coup d'œil par la porte entr'ouverte de l'antichambre et vit les vieilles aristocrates qui s'interrompaient sans cesse au milieu de leurs formulaires pour peigner et complimenter leurs énormes chiennes. Elles savent ce que vous attendez d'elles ? Elles le sauront dès que j'en aurai fini avec vous. Maugréa Thorne, sans état d'âme, la dureté de ses propos soulignée par celle de son accent. Mes 5 minutes sont écoulées, puis-je avoir votre réponse ? Viendrez-vous me voir, oui ou non ? Ophélie le dévisagea avec un mélange de répulsion et de pitié, comme si elle avait devant elle un sinistre directeur de pompes funèbres. Je n'aimerais vraiment pas vivre dans vos souliers. Thorne était un homme si peu expressif qu'Ophélie interpréta d'abord sa raideur immobile comme une attente. Quand elle s'aperçut qu'il la fixait, intensément, sans plus siller ni respirer, elle comprit qu'en réalité, elle lui avait coupé le souffle. « Je vous concède qu'ils ne sont pas très confortables. » finit-il par articuler au bout d'un très long silence. « Un peu plus que cela, même. » Il vérifia son col officier déjà parfaitement boutonné, passa la main dans ses cheveux déjà parfaitement peignés, remonta sa montre déjà parfaitement à l'heure, puis se racla la gorge. « J'en déduis que votre réponse est non. Puis-je ? » Thorne avait tendu la main pour récupérer ses formulaires, un geste professionnel si mécanique qu'Ophélie se sentit absurdement coupable. Elle fut néanmoins obligée d'admettre que Bérénilde avait vu juste. C'était bel et bien par lâcheté, plus encore que par colère, qu'elle avait passé ces dernières semaines à le fuir. Alors qu'elle lui rendait ses papiers, Ophélie le regarda droit dans les yeux. « Vous avez raison. Nous ne pouvons pas passer le restant de notre vie à nous éviter. Il faut que nous trouvions ensemble un compromis. Je viendrai à l'intendance demain, avant mes comptes. Et je viendrai seul. » Il fallait être observateur pour remarquer le relâchement infinitésimal des sourcils français de Thorne. « À demain, donc, » dit-il.